Yeah, El Matador. Ok. Roya. اروح المارسي اروح المارسي اروح المارسي اروح المارسي yeah. مارسي ايوا des bâtiments pourris. Y'a aussi plus de clandestins que de touristes. Chez nous c'est tranquille, ça sert à rien de courir. Sauf quand le vendeur à la sauvette dit aha, y'a la police. Les gens sont ouverts, tout le monde se fait la bise. Ça squatte le PMU tout en espérant rafler la mise. Le ciel bleu, ok, ça fait plaisir. On est loin du stress des métros parisiennes, de l'humeur dépressive. Une chaleur étouffante tous les jours. Y'a des journées merdiques, comme quand une mouette gît sur tes choux. C'est plus l'époque de Marcel Pagnol. C'est l'Algérie, la Tunisie, les Comores, le Sénégal et le Maroc. C'est très cosmopolite. Tu peux serrer des minettes avec de la tchatch ou bien avec un gros bolide. On est tous fiers de Zinedine et de Basile Poli. Quand tu lèves les yeux au ciel, c'est Notre-Dame qui domine. Si tu veux faire ta vie à Marseille, y'a faire un tour la mi, c'est mortel. Y'a la mer, le soleil, le M et les collègues. Le beau temps réglera tes problèmes. Si tu veux faire ta vie à Marseille, y'a faire un tour la mi, c'est mortel. Y'a la mer, le soleil, le M et les collègues. Le beau temps réglera tes problèmes. Le soleil, c'est bon pour se détendre. Prends ta serviette, on va s'éteindre. Ici c'est le foot ou la pétanque. Les taxis ont la chemise ouverte, la chaîne en or qui brille. Les contrôleurs se prennent pour des civils. Les chauffeurs de bus prennent 20 minutes de pause au terminus. Et les mythos te font avaler la pilule. Le sport que tout le monde pratique, c'est coureur de jupons. Ne sous-estime pas l'intelligence du plus con. Tout le monde sèche les cours au mois de mars. En classe il fait trop chaud. Ça se taille à la plage entre poteaux. Ça klaxonne dans les rues après une victoire de l'OM. Les deuils tournent, parfois les nouvelles sont mauvaises. Y'a des mariages, des cortèges, c'est un peu comme partout. Des darons dans la rue, Angers là-bas et en babouche. On exagère, on parle sans tabou. On avance quand ça roule avec la fougue. Les soirs de match, on se retrouve tous dans la foule. Sur des gros cubes, la routine du quotidien nous occupe. On parle de la vie sur une terrasse de café. On est pépère, on est entre amis, c'est parfait. C'est toute une ambiance, un état d'esprit, une manière de vivre. Même en hiver, la chaleur nous enivre. Ma ville a ses qualités et malheureusement ses défauts. Bienvenue si tu veux passer à autre chose. Yeah, yeah.